l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours depuis son sanctuaire et te soutienne des hauteurs de son siège. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes sacrifices brûlés, qu'il accomplisse les désirs de ton cœur et mène à bon terme tes projets. Nous nous réjouirons de ta délivrance, nous dresserons nos bannières au nom du Seigneur. Que l'Éternel exauce toutes tes demandes, qu'il soit ta victoire, ton honneur. Je sais maintenant que l'Éternel sauve son âme. Il lui répond des cieux de sa sainteté, par le secours puissant de sa droite, il fait triompher celui qu'il a établi. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, mais nous, nous invoquons